Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Belle journée en perspective à l'écoute de notre station. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans l'émission l'ensemble Stanislas de Nancy, très célèbre, à travers Franck Nathan, violoniste, directeur artistique de l'ensemble depuis un an, c'est ça, Franck ? Voilà, à peu près. Bonjour Franck. Bonjour Thierry et bonjour aux auditeurs de Fadjet. Oui. Et donc, vous avez pris la succession de Jean de Spengler, parce qu'il faut préciser que cette prestigieuse association existe depuis 40 ans et que vous avez fêté il y a peu le 40e anniversaire. Hein. C'était des soirées de gala même, on peut dire. Exactement. C'était un anniversaire fêté avec deux beaux concerts dans une même journée, plus un troisième, donc par les ensembles avant. Alors pour ces festivités, le public était présent au rendez-vous et puis nous étions une vingtaine d'artistes sur scène avec les membres fondateurs de Paul Fenton, Laurent Kos, bien sûr Jean de Spengler évidemment, Marie Triplet, Sylvain Durantel et puis la nouvelle équipe qui se constitue au fil des rencontres et des concerts. Et nous étions ravis de partager cette scène. Pour ce moment, quand même, assez unique. 40 ans pour un ensemble, c'est assez extraordinaire. Ouais, c'est beau. Alors donc, vous êtes violoniste, je l'ai précisé. Vous jouez au sein de l'orchestre de l'Opéra National de Nancy-Lorraine. Alors, c'est difficile de concilier sa vie professionnelle, la prise en charge d'une prestigieuse institution comme l'ensemble Stanislas, et puis quand même, la vie de famille, j'ajouterai aussi la composition en ce qui vous concerne. Je ne vous cacherai pas que les journées sont bien remplies, ouais, voilà. Disons que c'est toujours la même passion qui nous anime, enfin qui m'anime dans toutes ces activités-là. C'est vrai que la composition, comme l'ensemble Stanislas, ce sont des espaces de un peu plus de liberté, d'expression musicale et artistique, évidemment. Ça demande évidemment beaucoup d'implication pour faire fonctionner l'ensemble. Toute la partie évidemment administrative et autres, mais je suis pas tout seul, hein, bien sûr. Je suis aidé au niveau des démarches et puis c'est vrai que nous avons une très belle saison à l'Opéra National de Nancy-Lorraine et ma foi on y arrive quand même. J'en doute pas. Mais donc, on va préciser, justement, on va présenter plutôt les prochains concerts de l'ensemble Stanislas. Et puis, l'actualité brûlante, c'est quand même la sortie d'un coffret. Un coffret chez Forgotten Records, c'est ça ? Exactement. Un coffret pour les quatuors à cordes de Béla Bartók. Une œuvre majeure de la musique de chambre. Et puis, l'ensemble Stanislas, donc, réalisé au fil des concerts depuis 2014. Je crois bien, jusqu'à 2024, donc pratiquement, ou 2006, pardon, jusqu'à 2024, presque 20 ans de parcours ensemble et puis d'enregistrement de ces 6 quatuors. Mais on écoute le début du 5e quatuor à cordes de Béla Bartók. Je précise que c'est votre choix, puisque, comme à l'accoutumée, lorsque j'ai des invités, je laisse la programmation musicale à l'invité. Vous vouliez préciser quelque chose, Franck ? Oui, effectivement, sur cet enregistrement, nous entendrons Jean de Spengler au violoncelle, Laurent Kos au violon 1, Rémi Chopinez au deuxième violon et Sylvain Durantel à l'alto. Thank you. C'était un extrait du cinquième quatuor à cordes de Béla Bartók avec le quatuor Stanislas. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Nathan, violoniste de ce quatuor et qui a pris donc la direction artistique de l'ensemble. Franck, l'ensemble Stanislas, depuis ses débuts, a toujours eu une politique discographique. Hein. Vous avez toujours enregistré beaucoup de disques. Oui, alors Jean de Spengler, donc le fondateur de l'ensemble Stanislas, a développé tout un répertoire assez extraordinaire, que ce soit d'œuvres plutôt classiques et aussi et surtout d'œuvres de compositeurs lorrains aussi. Ouais. Ça a été un des axes très importants de la redécouverte de certaines œuvres, mm-hmm. plus dernièrement Louis Thirion, par exemple, mais Florent Schmitt, Guy Ropartz, évidemment. Mm-hmm. Donc voilà, ils ont eu toujours cette politique de marquer aussi l'ensemble Stanislas au disque. Alors, il n'y a pas à proprement parler de thématique dans cette nouvelle saison de l'ensemble Stanislas ? Eh bien, écoutez, un petit peu quand même. Bon. Non, non. Je n'ai pas perçu, alors. Alors, disons que j'ai souhaité... alors déjà, une première chose, c'est que pour la plupart des concerts, nous serons à la fois les cordes et les vents réunis. Ouais. Chacun pourra s'exprimer autour des œuvres propres des répertoires de quatuor à cordes et de quintette à vent, par exemple, ou de trio à cordes, trio à vent. Et puis, j'ai tout de même souhaité mettre en regard des compositeurs de l'Est avec des compositeurs de l'Ouest. Alors, l'Ouest étant assez vaste, évidemment, mais c'est quelque chose que je trouvais intéressant de mettre en regard certaines œuvres à une même époque sur différents continents. C'est bien, bonne idée. Alors, ça sera le 3 novembre, le premier concert, hein, Battle Inédite. Alors là, ça m'intrigue. Trio à cordes, trio à vent, Beethoven, Mozart, Klein et Tanzmann. Ben oui, écoutez... On essaye de proposer aussi des programmes d'une manière un peu différente. On essaye aussi de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres disciplines, notamment la danse. Donc les battles sont très fréquentes, notamment dans le hip-hop, dans d'autres genres comme le jazz par exemple. Et on s'est dit voilà, on va essayer de coller à ce genre-là, à cette proposition. En scénarisant un petit peu donc le concert avec des prises de parole des uns des autres et puis en proposant au public de voter. Alors c'est une joute musicale cordiale évidemment. Ah, c'est interactif alors un peu. Voilà un petit peu interactif exactement. Mmh. Et puis donc il y a une partie très classique pour pour ceux qui sont fervents de ce répertoire là et puis aussi faire découvrir deux autres compositeurs qui sont quand même assez peu joué, que sont Gideon Klein et Alexander Tanzmann. D'accord. Gideon Klein, compositeur tchèque, et Alexander Tanzmann, franco-polonais. Ils ont eu deux destins complètement différents au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et ça se ressent dans leur musique. Et c'est quelque chose qui est assez, justement, intéressant à mettre en avant, surtout avec des couleurs propres au trio à cordes et celles qui sont propres au trio d'anches avec mes amis et collègues. D'accord. Donc, Gideon Klein, vous avez tout dit. Hein. J'allais préciser que ce compositeur était mort, je crois, des suites de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Exactement. Il est mort à Auschwitz, tout simplement. Alors, on va écouter un extrait de sa musique parce que, encore, je le rappelle, vous avez choisi la programmation musicale de l'émission. Vous avez eu envie d'écouter, c'est bien normal, la musique de Gideon Klein. Allegro de son trio violon, alto, violoncelle, c'est celui qui sera joué ou pas ? Exactement. D'accord. On en écoute le final, molto vivace, avec l'ensemble Black Hawk ensemble, tout simplement. Thank you. Discothèque classique, votre rendez-vous classique sur Radio Fudget. C'était un extrait du trio pour piano, violon et violoncelle. Non, pardon, pour violon, alto et violoncelle de Gideon Klein. Le choix de mon invité, Franck Nathan, violoniste et directeur artistique de l'ensemble Stanislas. Donc, une œuvre que les auditeurs, que les mélomanes nancéens pourront très prochainement écouter. C'est toujours Salle Poirel, vos concerts ? Alors, c'est toujours Salle Poirel pour les 4 concerts d'abonnement. Mmh. Et nous en avons un 5e qui sera au Conservatoire Régional du Grand Nancy. Voilà. Mais si je peux me permettre, voilà, la famille de l'ensemble Stanislas s'agrandit. Et nous avons plusieurs instrumentistes cette année. Nous serons pratiquement au nombre de 15 instrumentistes pour l'ensemble des concerts. Et pour ce concert donc, de Battle, nous aurons... alors, je serai accompagné pour le trio à cordes de Marie Triplet-Stingel à l'alto, de Valentine Bounen au violoncelle. Et le trio d'anges sera constitué de Florine Ardouin au hautbois, Noémie Lapierre à la clarinette. Et nous avons un bassoniste invité, Charles Comerford, ouais. De l'Opéra National de Lorraine également. Et voilà, et donc il nous fait l'amitié de venir jouer sur cette battle. Est-ce qu'on peut considérer que l'ensemble Stanislas est un peu l'émanation chambriste de l'orchestre de l'Opéra Nationale de Nancy-Lorraine? Bien, écoutez, complètement, elle s'est constituée de cette manière-là, de toute façon. Encore une fois, lorsque Jean Spengler l'a constituée, c'était pour faire entendre de la musique de quatuor à cordes, le répertoire de quatuor à cordes à Nancy. Et les membres fondateurs étaient tous, faisaient tous partie de l'orchestre. Et ma foi, nous avons un vivier d'artistes extraordinaires entre l'orchestre et le conservatoire aussi, hein, puisque nous avons donc Marie Triplet-Stingel est professeur d'alto au conservatoire. D'autres membres le sont aussi. Hein. Donc Laurent Cos l'était, par exemple. Voilà. Donc nous avons un vivier tellement riche que c'est tout naturel de puiser. Alors, vous avez souhaité écouter un peu de la musique de Gheorghi Ligeti. L'ensemble Stanislas, depuis donc sa fondation, accorde toujours une grande place au répertoire du XXe siècle et même contemporain. Hein. C'est pour vous une exigence, j'ai l'impression. Écoutez, c'est l'ADN de l'ensemble Stanislas, de défendre le grand répertoire, le répertoire aussi de l'époque qu'on dit l'époque moderne, donc début du XXe siècle, et puis et la musique de création. Donc c'est quelque chose évidemment qui nous tient à cœur, parce que voilà, c'est ce qui nous anime, c'est ce qu'on aime travailler, puis en même temps c'est ce qu'on aime aussi proposer, parce que c'est une question de aussi pouvoir proposer des choses nouvelles au public pour varier aussi les écoutes et que la musique de notre temps ne soit pas étrangère aux oreilles de notre époque. Eh bien, voici un extrait des Bagatelles de Gheorghi Ligeti. On en écoute une, deux... Une, ce serait bien déjà. Ce serait bien, bon, c'est un peu court, hein, mais bon. Avec l'ensemble, les membres de l'ensemble Stanislas. Il faut le préciser. Des Bagatelles de Gheorghi Ligeti interprétées par l'ensemble Stanislas, les vents hein, uniquement là. Hein. Exactement, le quintet à vent. C'est le programme, donc comme je le disais en début d'émission, nous avons imaginé des programmes où les cordes et les vents sont réunis. Donc le 18 janvier à la Salle Poirel à 16h30. Le quintet à vent jouera donc ces Bagatelles de Ligeti et le tombeau de Couperin, un arrangement pour quintet à vent de Maurice Ravel. Oui. C'est une programmation, en fin de compte, que nous avons établie aussi de concert, je dirais, avec les membres de l'ensemble Stanislas. Là, les Bagatelles, c'est vrai que Olivier Sauvage m'a souvent parlé de ces pièces-là, qui sont effectivement remarquables, et qu'on a pu cette fois-ci programmer. Oui, mais avant le 18 janvier, cher Franck, il y a le 1er décembre, et là il y a un concert encore qui aura lieu au Conservatoire de Nancy, c'est ça hein? Exactement, voilà, c'est le concert. C'est Femme, Femme, Femme, c'est une chanson de Serge Lama, ça. Oui, voilà, exactement, c'est pour mettre à l'honneur des femmes compositrices du passé et du présent, alors du passé avec Fanny Ansel Mendelssohn, et Charlotte Sohi, compositrice française, et de notre époque, Camille Pépin. Voilà, ce sera trois trios avec violoncelle et piano, pardon. Mmh. Et je serai accompagné avec Morgane Gabin au violoncelle et Geffreno, notre pianiste invité. Et je précise que Charlotte Sohi a fait l'objet d'une biographie signée Deborah Wallman, qui est... son nom m'échappe. Enfin bref, il y a une biographie qui est sortie récemment et qui justement nous raconte la vie de cette musicienne complètement oubliée. Puis Camille Pépin, elle est vraiment jouée dans le monde entier maintenant. Exactement, elle a une renommée vraiment internationale et sa musique est vraiment extraordinaire, pleine de couleurs, pleine de fluidité. Charlotte Sohi, pour la petite anecdote, on a eu du mal à se procurer la partition, tellement justement, toutes ces œuvres sont pas encore complètement éditées. Alors je suis en contact avec Présence Compositrice qui va nous permettre d'obtenir la partition, imprimée, et éditée plus précisément, éditée tout prochainement, juste avant notre concert. Voilà. Donc on va quand même écouter une œuvre qui va illustrer le fameux concert du 18 janvier au Conservatoire Régional avec du Ligeti, mais il y aura aussi du Brahms. Et vous avez choisi le premier mouvement du premier quatuor de Brahms. Exactement, ouais. Exactement. C'est après Beethoven, après les quatuors de Beethoven, Brahms est arrivé à marquer cette forme qu'est le quatuor à cordes avec toute son expression, avec ses couleurs qui lui sont propres. Et ce sont des œuvres aussi qui nous font du bien à nous parce qu'on sait qu'on peut jouer de différentes couleurs, être assez chaleureux au niveau de la sonorité. Et donc, nous aurons plaisir à proposer ce premier quatuor à cordes. Allez, on en écoute le final Allegro par le quatuor de Tokyo. Thank you. Le final allegro du premier quatuor à cordes de Johannes Brahms avec le quatuor de Tokyo. Et je vous rappelle que vous pourrez écouter ce quatuor en intégralité. Ce sera le 18 janvier au conservatoire régional. Non, ce sera la salle Poirel, je me permets Thierry. Ah pardon, je me suis trompé. Alors donc Franck Nathan qui rectifie évidemment parce que c'est son concert, il sera présent pour jouer ce quatuor au poste de premier violon d'ailleurs. Hein. Exactement. Oui. Exactement. Donc, salle Poirel, quatuor numéro 1 de Brahms, Bagatelle de Ligeti et Tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Voilà. Je peux me permettre de rajouter une petite chose ? Oui. Alors, je participerai à ce concert-là avec Rémi Chopinez au second violon, Annie Herpin à l'alto et Valentine Bounen au violoncelle. Et puis, on a un nouveau partenaire cette année qui est les magasins Leclerc de Vendeur et qui nous permettront, pour l'ensemble, d'offrir la galette des rois puisque nous serons en pleine période de Nouvel An. Oui. Et voilà, nous aurons plaisir à offrir au public, à l'issue du concert, la galette des rois. Donc, ce sera un moment musical et un peu gourmand. Voilà, le moment de convivialité avec le public, en exactement. Quelque sorte, hein, comme on dit. Franck Nathan, est-ce que c'est compliqué de mettre en place un programme de concert toute une saison ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous vous réunissez, tous les musiciens, chacun apporte une idée ? Est-ce que ce sont des décisions collégiales ? Est-ce que, parce qu'il faut quand même équilibrer, il faut que tout le monde y trouve son compte, joue évidemment. Comment ça se passe ? Parce que ça doit être compliqué quand même de mettre une saison en route. Alors oui, c'est pas tout simple parce que moi j'avais très envie de cette thématique Est-Ouest parce que j'avais envie d'aborder certaines œuvres comme l'intégrale des quatuors de Prokofiev par exemple et puis aussi pour je pense que ce qui nous intéressait aussi dans cette thématique c'était pouvoir proposer des couleurs différentes au public après de se dire on fait aussi un petit pari de proposer des concerts où on est à la fois les vents et les cordes. Mmh. Et là, ça donnait un peu plus aussi de latitude aux instrumentistes avant de faire des propositions d'œuvres. Et donc, Noémie Lapierre, par exemple, ouais, clarinettiste, avait un programme de trio à cordes. Alors, on a concocté justement le premier concert du 3 novembre, la battle de concerts, en fonction aussi des répertoires qu'on souhaitait aborder. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, Olivier Sauvage pour le Ligeti, aussi avec Yannick Herpin, clarinettiste aussi. On avait les Samuel Barber, le Summer Music et Pauline Demit, le mm-hmm. Camer Music. On en reparlera tout à l'heure pour le dernier concert. Voilà, chacun précise ses envies. Morgane Gabin m'a dit j'aimerais bien qu'on puisse jouer du Brahms aussi. Les quatuors de Brahms sont extraordinaires. Ouais. Donc voilà, on essaye de voir comment tout ça peut être combiné au fil donc des combinaisons de concerts, des programmes, voir comment ça peut être cohérent au fil de toute une saison. Mais en principe, chacun peut évidemment, et c'est ça que je souhaite établir, c'est que chacun puisse mettre la main à la pâte, tout simplement. Mmh. Ben oui, c'est une bonne idée que ça soit un peu démocratique quand même. Hein. Voilà, exactement. Bon, vous n'allez pas imposer tout seul vos choix, sinon ce ne serait pas possible. Hein. Non. On va parler donc de ce concert qui sera donné le 16 mars, c'est ça, salle Poirel. Exactement. D'est en ouest, hein, avec Prokofiev, vous l'avez dit, premier quatuor, le quatuor de Webern, le quatuor de Samuel Barber. On va écouter Prokofiev, là c'est votre choix, là encore. Compositeur oui. Que vous appréciez particulièrement ? Ah ben je suis très admiratif de l'écriture de Prokofiev, elle est très très inspirante parce que c'est à la fois d'une grande modernité, d'un souci de la forme, de la précision, de la limpidité aussi, de la clarté d'écriture. Et puis moi, il y a quelque chose qui me touche toujours, c'est le rapport avec les musiques du folklore. Mmh. Donc Bartok, Prokofiev, évidemment. Et ça, c'est quelque chose que qui me parle et que j'aime interpréter. Et puis je sais aussi que le public est très preneur de ce répertoire-là et qui est réceptif surtout de cette musique qui est quand même très écrite, très ciselée, ouais, et qui est très très intéressante à l'écoute comme au fait de l'interprétation. Allez, on va écouter un peu du premier quatuor à cordes de Sergueï Prokofiev, Allegro par le quatuor Pavel Haase. Discothèque classique, votre rendez-vous classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fudgette. C'était le premier mouvement du quatuor à cordes numéro 1 de Prokofiev avec le quatuor Pavel Haas. Le choix de mon invité, Franck Nathan, violoniste et compositeur, et puis directeur artistique de l'ensemble Stanislas. Compositeur, ben justement Franck, est-ce que vous composez, vous avez encore le temps de composer, qu'est-ce que vous composez exactement comme... Alors oui, en ce moment je suis en train de terminer un spectacle pour le conservatoire Jean Wiener de Blénod-les-Pont-à-Mousson, mm-hmm. pour leur spectacle de fin d'année autour de La Fonte, et évidemment du... du bassin de Pont-à-Mousson. Donc, une histoire sur la fonte. Et donc, pour l'orchestre symphonique, mais aussi un chœur. Ils ont l'orchestre à l'école aussi, le projet orchestre à l'école avec des cordes. Et donc, il y a des parties un peu plus simples à écrire, des parties un peu plus complexes. Il y a aussi les professeurs qui viendront prêter main forte pour le concert et donc qui permettent aussi d'écrire des choses un petit peu plus virtuoses. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un spectacle que je viens de terminer les partitions. Les professeurs sont déjà en train d'étudier ce qui est éventuellement à revoir par rapport à leur au niveau des élèves, mais ouais. Ça a l'air d'être plutôt bien parti. C'est un conte musical en quelque sorte. C'est une fresque musicale, oui, on va dire ça. Je suis en train de terminer le texte qui va être la narration en quelque sorte, qui va être le liant entre les différentes pièces. Nous avions donné l'équivalent d'un premier volet qui s'appelait Frères de fer il y a 3 ans. Ça s'était très bien passé. Et là, on va dire que c'est le deuxième volet. C'est aussi pour fêter les 200 ans de la fonderie, des fonderies de Pont-à-Mousson. Très bien. Alors, Franck, l'ensemble Stanislas, il se produit à Nancy. Bien sûr, il a une belle saison de concert à Nancy. Mais est-ce que vous produisez aussi ailleurs en France et peut-être même à l'étranger? Oui, alors à l'étranger, Jean de Spengler avait initié différentes tournées. Hein, et il y a 2 ans, ils étaient aux États-Unis. Et donc ça, oui, ce sont des projets qui ne se montent pas du jour au lendemain non plus. Ça demande beaucoup de travail en amont. Mais en revanche, en Lorraine, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que l'ensemble puisse rayonner. Et nous avons, avec des associations partenaires, alors même à Nancy, hein, avec l'association Ginko, et sa présidente Françoise Algros, c'est une fidèle de l'ensemble Stanislas et avec laquelle nous arrivons à monter certains projets musicaux, comme par exemple le fait que l'année dernière nous avons pu jouer pour le projet de la métropole du Grand Nancy, Métropholis. Mm-hmm. Nous avons pu proposer un programme de compositeurs tels que Honegger, Germaine Taillefer et Louis Thirion. Grâce au soutien de cette association, nous avons joué aussi à Baccarat l'été dernier, grâce aussi à l'invitation, encore une fois, de l'Association culturelle européenne de Lunéville et sa présidente Janine Guenot. Nous avons pu aussi donner à Vic-sur-Seille un projet sur les femmes compositrices en partenariat avec l'Université de Lorraine et son doyen, M. Fabrice Gartner. Nous avions 4 jeunes étudiants qui avaient travaillé sur des textes pour évoquer les femmes compositrices, déjà. Mmh. Et puis plus récemment, en septembre dernier, nous étions au Salon des Halles de Lunéville pour un magnifique concert avec un public, la salle était pleine, donc pour un projet en sextuor à cordes, grâce à l'invitation de Serge Attali, président de l'École de musique de Lunéville, et le directeur de l'école Frédéric Detwiller, nous avons pu jouer des transcriptions de la toccata et fugue que je venais de terminer, toccata et fugue de Bach, une transcription aussi qui était un projet que j'avais en tête depuis assez longtemps, une version pour sextuor à cordes de la symphonie concertante pour violon et alto de Mozart. Mm-hmm. Et puis une symphonie pour cordes de Félix Mendelssohn. Ce sont des projets comme ça qui nous permettent aussi d'aller au-devant de différents publics et de faire connaître l'ensemble Stanislas. Alors, le dernier concert de l'ensemble Stanislas sera le 1er juin à 20h, salle Poirel, là je ne me trompe pas. Exactement. Avec le deuxième quatuor de Prokofiev, on a écouté tout à l'heure le premier. Donc les 2 quatuors de Prokofiev seront présentés cette saison. Le quintet avant Summer Music de Barber et le quintet avant de Paul Hindemith. Alors, comme vous avez concocté le programme musical de l'émission, vous avez eu envie de passer un petit peu de Summer Music de Barber, ce qui est tout à votre honneur puisqu'il s'agit de vos collègues instrumentistes avant pour cette pièce. Mais oui, en fin de compte, on l'a dit tout à l'heure, il y a cette thématique Est-Ouest. Donc, dans le concert précédent, nous jouerons, nous, musiciens à cordes, le premier quatuor de Samuel Barber avec son fameux adagio. Et donc, il était aussi intéressant de faire entendre d'un même compositeur une œuvre et des couleurs complètement différentes avec le quintet avant et ses Summer Music, une œuvre vraiment très agréable à l'écoute. Et puis, comme on sera déjà à l'approche de l'été, on trouvait ça aussi quelque chose d'assez propice à faire entendre. Voilà, une œuvre pour vent, c'était Summer Music de Samuel Barber par des membres de l'ensemble Stanislas Nancy, tout au moins les vents. Franck Nathan, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte que l'on sait qui est quand même extrêmement difficile sur le plan économique, c'est difficile de trouver des subventions, voire des sponsors ? Alors, ben, vous venez de le dire, hein, la situation est un peu moins favorable qu'il y a quelques années, même si nous pouvons toujours compter sur le soutien de la ville de Nancy, qui jusque-là est fidèle à l'ensemble Stanislas, au conseil départemental, bien sûr, et puis nous avons, et la région aussi, nous avons notre partenaire qui est le Crédit Mutuel, partenaire privé. Et puis nous sommes en train de développer d'autres partenariats, notamment avec les vitrines de Nancy. Et puis nous avons aussi les organismes tels que la SPEDIDAM, la SACEM, qui suivant les programmes que nous proposons peuvent nous octroyer des aides. Mais effectivement, alors l'ensemble Stanislas aussi a toujours mené des actions, je dirais des actions sociales, en invitant différentes associations à venir à pouvoir se rendre au concert. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite évidemment faire perdurer, ça a tout son sens pour nous. Et alors du coup nous on a cherché cette année à l'étiqueter un petit peu, donc on essaye de marquer ça avec un petit label qu'on appelle Une Place pour Toi. C'est des tarifs réduits en quelque sorte. Alors non, c'est-à-dire que on propose à des partenaires privés de pouvoir soutenir l'ensemble, qui nous permettrait par la suite d'inviter donc des associations, mais le public, les particuliers peuvent le faire aussi s'ils souhaitent évidemment nous aider dans cette action-là de faire un don à l'ensemble Stanislas. Ils sont les bienvenus, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et donc, actuellement, vous cherchez aussi des sponsors avec des grandes chaînes de magasins, etc. Voilà, exactement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les magasins Leclerc de Vendeuve vont nous aider pour le concert du 18 janvier. On espère que d'autres vont pouvoir suivre. Allez, on va écouter un peu de Debussy. Ce sera le dernier titre de l'émission qu'on va écouter. Un extrait du Quatuor à cordes, le seul quatuor malheureusement composé par Debussy, parce que c'est une œuvre absolument géniale. On aurait aimé qu'il y en ait quand même d'autres. Hein. Exactement. Animé et très décidé. Alors là, c'est un enregistrement qui date d'il y a une dizaine d'années, avec donc au violon Laurent Cos, Bertrand Menu, Marie Triplet à l'alto et Jean de Spangler au violoncelle. Ça, c'est l'Himalaya des quatuors à cordes. Hein. Le quatuor de Debussy, il faut le sortir quand même. Hein. Voilà, exactement. Alors oui, déjà, c'est une œuvre assez coriace et qui est d'une grande exigence artistique, ça c'est certain. C'est une œuvre qui a inspiré, mais on n'a même pas idée de savoir combien de compositeurs et compositrices ont été inspirés par ce quatuor-là, notamment déjà Ravel en premier. Lorsqu'il a composé son quatuor à lui, c'était évidemment, on l'entend, c'est très inspiré de celui de Debussy. Son aîné. Nous avons joué Germaine Taillefer. Elle le reconnaissait elle-même, que ça faisait partie de ses influences. Et ce sont des œuvres, une œuvre qui est emblématique pour nous. D'accord. Bon, on en écoute le premier mouvement, le Quatuor Stanislas, bien évidemment. Thank you. Bravo au quatuor Stanislas pour cet enregistrement du quatuor de Debussy, si souvent enregistré, mais moi je trouve que c'est une des meilleures versions que je connaisse. Hein. Je le dis sans aucune flatterie. Hein. Mais écoutez, je pense que les membres de l'ensemble Stanislas qui étaient sur cet enregistrement seront très touchés de cette remarque-là. Et effectivement, on voit bien que les couleurs, l'intensité, tout ce qui fait les caractéristiques de la musique pour quatuor à cordes sont complètement réunies sur cette version. Merci Franck d'être venu dans l'émission nous présenter la saison à venir de l'ensemble Stanislas. On va rappeler juste le premier concert parce que c'est bientôt, hein. Exactement, le premier concert c'est le 3 novembre, donc à 20h, le lundi 3 novembre à la salle Poirel, pour une battle qui opposera le trio à cordes et le trio à vent. Alors en fin de compte, j'avais juste envie de repréciser au public que voilà, on fait en sorte d'avoir une programmation, et j'espère que voilà, les auditeurs de Fat Jazz l'auront compris, assez variée, assez aussi accessible à des connaisseurs comme des mélomanes. Et qu'il y a juste le premier pas qui coûte de venir franchir la salle de spectacle, qui n'hésite pas. Eh bien voilà, il fallait le dire. Merci Franck. Hein. Bon, ben nous on se retrouve demain à partir de 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Bon samedi à toutes et à tous et à demain.